La France pendant la Deuxième Guerre. Quatrième partie, la Résistance. Au début de l'occupation, la politique de répression, telle que la prise d'otages, n'a touché qu'une faible minorité, surtout des Juifs et des communistes. Pour beaucoup de Français, l'occupation était plus une source de problèmes que de terreur. Elle était même préférable au chaos de l'été 1940. En septembre 1942, une loi a décrété la mobilisation des hommes de 18 à 50 ans pour travailler en Allemagne. À partir de 1943, tous les hommes de plus de 16 ans devaient faire le service de travail obligatoire, le STO. C'était un tournant important dans l'expérience des Français, car ce n'était plus que les minorités qui étaient opprimées, mais l'homme de la rue. 650 000 Français moyens se sont retrouvés dans les usines et les fermes allemandes. Ces départs ont séparé des familles et tourné l'opinion publique contre les occupants. De plus en plus d'hommes se sont enfuis plutôt que d'y participer, et ils ont fini par se joindre au maquis de la résistance. En fait, c'est à partir de ce moment que la résistance a vraiment pris de l'ampleur. Les activités de cette armée des ombres ont été dirigées par De Gaulle à Londres depuis 1940. Tout le monde écoutait les messages envoyés en français par la BBC, et les informations de cette station étaient plus vraies que la propagande nazie de Radio Paris. Le risque que couraient les Français en écoutant cette station interdite était considérable. Les attaques du maquis, par exemple les assassinats d'officiers allemands, ont entraîné des représailles terribles. Des otages, une vingtaine pour chaque soldat allemand, ont été choisis parmi les Français civils et ils ont été exécutés si les résistants ne se sont pas livrés. Il ne faut pas oublier que la police française et la milice ont aidé la Gestapo dans la lutte contre les résistants héroïques tels que Jean Moulin, qui est mort sous la torture en 1943.